Outre-mer, note sur l'Amérique, livre audio gratuit, un roman de Paul Bourget, lu par Amina Grobis pour le compte de audiocité.net, sous licence Creative Commons. A.M. James Gordon Bennett. Je vous envoie, cher monsieur et ami, le recueil des notes de mon voyage aux États-Unis, dont vous avez désiré que les lecteurs du Herald eussent la primeur. En vous priant d'en accepter la dédicace, j'acquitte simplement une dette de reconnaissance. Si vous ne m'aviez donné, d'une part, les lettres d'introduction les plus précieuses, et si, d'autre part, votre journal n'avait pas présenté Cosmopolis, comme il a fait Cosmopolis au public américain, je n'aurais pas trouvé tant de facilité à regarder de près ce nouveau monde, que nous connaissons trop mal, nous autres gens, de l'autre côté de l'eau, comme disent vos compatriotes. Ils parlent de Southampton et du Havre à New York, ou à Boston comme à Paris, un habitant du faubourg Saint-Germain ou du quartier latin parle de la Madeleine et du boulevard. Ils seront sur un côté du trottoir aujourd'hui. Dans 7 ou 8 jours, ils seront sur l'autre. Une rue à franchir et c'est tout. Il est vrai que c'est une rue qui bouge et qui s'appelle l'océan. Mais, comme ils disent encore, avec cette bonhomie ironique dont ils ont le secret, en Amérique tout est sur une plus grande échelle que dans la Old Country. En les relisant, ces notes prises au jour le jour, je les ai jugées bien incomplètes et bien superficielles. Ce n'est pas 8 mois, c'est des années qu'il faudrait passer ici, et avec des connaissances spéciales de politiciens, d'économistes, d'ingénieurs, de géologues, d'anthropologues, pour lever un moulage exact de cette énorme civilisation en train d'installer ses quelques 50 états ou territoires sur une étendue de sol presque aussi vaste que l'Europe, et dans des conditions prodigieusement complexes de climat et de race. Malgré des travaux de la valeur de ceux de Tocqueville, il y a un demi-siècle, et de M. Bryce, voici quelques années, le livre qui résume une pareille société reste à écrire. S'il doit jamais être composé, c'est à la condition que beaucoup de monographies particulières aient été rédigées par des voyageurs de bonne foi, qui se bornent à transcrire leurs impressions. Cette modeste ambition d'un service à rendre m'encouragerait seul à donner ce journal de route pour qu'il prît place à côté de tant d'autres, quand je n'aurais pas un espoir encore, celui de décider quelques-uns de mes compatriotes à entreprendre un voyage, aujourd'hui facile, et dont j'ai éprouvé qu'il a sa bienfaisante influence. Si les Américains souffrent d'une espèce d'abus de l'énergie, beaucoup d'Européens souffrent du mal contraire, à qui un séjour de quelques semaines aux États-Unis referait de la volonté, surtout dans la jeunesse, comme l'air de la montagne refait du sang à un anémique tout naturellement. Il y gagnerait aussi de mieux comprendre le monde que nous prépare la démocratie et la science, ces deux grandes ouvrières de nos destinées futures. Je suis pour ma part, comme vous le verrez dans ces notes, partie de France avec une inquiétude profonde devant l'avenir social. Elle s'est apaisée, sinon guérie, dans l'atmosphère d'action qui se respire de New York à Chicago et de Saint-Paul à la Floride. Beaucoup de choses en Amérique sont brutalisantes et déplaisantes. On y regrette souvent la douce et lente Europe. On y a, par instant, de véritables nostalgies, d'une terre d'histoire, où il y a des morts derrière ceux qui vivent. Et pourtant, on éprouve au moment de quitter cette étonnante république une émotion qui tient de la gratitude et de la piété. On s'y est repris à ne plus craindre ce lendemain mystérieux, vers lequel marche tout l'univers civilisé parmi tant de destructions douloureuses et des écroulements que l'on a trop de peine à croire nécessaires. Voilà de bien grands mots, mon cher ami. En tête d'un ouvrage qui n'a d'autre prétention que d'être une causerie d'un touriste en train de classer ses instantanés, entre 2 départs de train ou de bateau. Mais dans cet âge de révolution, le sérieux et le tragique se rencontrent à tous les tournants d'horizon. C'est ainsi que la grande ligne redoutable de l'océan sert de fond à tous les racontars de table, ou de fumoirs échangés à bord d'un yacht de plaisance, comme celui où vous serez sans doute quand ce manuscrit vous arrivera. Si ces notes réalisaient mon intention, elles seraient exactement cela. Une suite de propos d'un voyageur qui s'amuse du détail quotidien, puéril quelquefois de son voyage, avec de larges aperçus d'idées entrouverts par instant. Je ne suis pas sûr d'avoir exécuté ce que je voulais, mais je suis sûr que le Herald et son directeur accueilleront ce diary d'un étranger, avec une sympathie que je leur rends à l'un et à l'autre, et dont je vous prie de trouver ici l'expression sincère. Paul Bourget, Paris, 15 septembre 1894.